France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Dans l'histoire que Lénora Krief et François Test vous racontaient hier, il y a une petite fille, Maude. Elle vit dans un univers délirant, construit par son propre père, qui lui fait endurer des épreuves dignes d'un entraînement militaire. Nager dans une piscine d'eau sombre et glacée, ou rester imperturbable lors d'exercices d'impassibilité, qui consiste à rester seul et à méditer sur la mort en pleine nuit dans la cave où courent les rats. Dans le monde de Maude, on ne pleure pas, on ne sourit pas, on ne parle que si c'est nécessaire. Tout de suite, le second épisode de l'histoire particulière de Maude. Cette petite fille qui, a priori, n'avait aucune ressource, qui était très faible, isolée, pas très courageuse, elle était terrorisée, constamment terrorisée. Eh bien, cette petite fille est en réalité un modèle de survivante. C'est quelqu'un qui a traversé le feu et qui est ressorti avec des blessures, bien sûr, des brûlures. Mais le fond est resté intègre. L'emprise, aujourd'hui, au-delà des grilles. Par Lénora Krief et François Test. Son enfance, Maud Julien l'a vécue cloîtrée dans une maison près de Dunkerque, une propriété aujourd'hui devenue un centre de redressement pour jeunes délinquantes. Jusqu'à ses 18 ans, Maud Julien a grandi séquestrée par ses parents, coupée de toute communication avec le monde extérieur, à l'abri des impuretés et de la pollution des autres. Son père, Lou Didier, voulait faire d'elle un surêtre, l'élu qui serait appelé le moment venu à relever l'humanité. Et pour cela, la petite blonde aux yeux bleus a suivi un terrible entraînement physique et psychique, un véritable cauchemar. Mais il ne suffisait pas d'être dehors pour être libre. Maud Julien devra attendre des années après avoir franchi la grille de chez elle pour sortir de l'emprise psychologique de ce père paranoïaque habité par une vision très obscure de l'univers. Après avoir suivi une longue thérapie, elle en a fait sa vocation. Aujourd'hui installée à Paris, Maud Julien s'est spécialisée dans ce qu'elle connaît le mieux, les traumatismes et l'aide contre toute forme d'emprise. Comme dans un conte où il y a toujours une bonne étoile, Maud Julien a eu la chance de croiser le chemin de Monsieur Molin, son professeur de musique, celui qu'elle considère comme son sauveur. Je crois que je me souviendrai toujours le moment où M. Molin est arrivé. Pour mon père, les bonnes énergies de la maison réparaient tout. Réparaient la santé, réparaient les dents, réparaient tout. Donc, ils ont y compris accordé le piano. Et M. Molin voit le piano et il dit « il faudrait peut-être le faire accorder ». Et mon père lui dit « non, les vibrations de la maison sont suffisantes ». Et M. Molin avait compris que quelque chose n'allait pas. Et plutôt que de dire « mais non », il a dit « oui, vous avez raison, c'est vrai que je sens ces vibrations et c'est vrai que votre piano est incroyablement accordé ». Et il était assez tôt le matin, mon père, commençant à l'apprécier, lui a servi un grand verre de whisky. Je suis par la suite que M. Molin n'est pas quelqu'un qui buvait de l'alcool. Et sans sourciller, cet homme a bu ce whisky. Il lui a fallu, pendant 3 ans, il a travaillé à apprivoiser mon père. Il a été excessivement patient, il m'a rassurée. Du coup, j'ai pu faire confiance pour la première fois à un autre humain, un être qui n'était pas un animal. J'ai commencé à lui faire confiance et surtout, il a apprivoisé mon père. Et en apprivoisant ainsi mon père, il a commencé à lui dire qu'il fallait que l'enseignement de mon père n'était pas suffisamment dur, que si vraiment lui, il pouvait me prendre de temps en temps à son atelier de musique, je verrais ce que c'est que la sévérité, que lui serait beaucoup plus sévère que n'était mon père. Alors, ne pas oublier qu'à cette période, mon père déclinait aussi, certainement. Je suis pas sûre que 10 ans avant, le même mécanisme ait marché. Hein. Mais, et c'est comme ça que j'ai enfin pu passer derrière la grille. Et au sein de cet atelier, où vous avez pu justement suivre son enseignement, vous avez rencontré ce jeune homme, Richard, qui deviendra votre premier mari. Comment est-ce que vous avez vécu cette sortie de la maison ? La sortie a été très difficile parce que tout d'abord, mon père voulait que je me marie parce que pour lui seul, une femme mariée pouvait être respectée. Mais avant de partir, il m'avait fait faire le serment qu'après un temps assez court, je revienne seule dans la maison pour suivre les enseignements, parce que je devais recevoir à l'âge de 21 ans un enseignement final. Et en fait, moi, j'ai saisi aussi cette opportunité. Je crois que dans les bruits, autant j'ai le bruit de la grille qui résonne quand je rentre dans la maison, mais j'ai le bruit de la portière de voiture de Richard qui vient me chercher, et où j'ai vraiment l'impression de d'être quelqu'un qui quitte le navire, qui part, parce que moi je savais que je ne voulais pas revenir, je ne sais pas comment je ferais et tout ça, mais je ne voulais plus, et donc c'est un moment de soulagement et de honte et de culpabilité. Ursula Gauthier, dans ce travail d'enquête que vous avez mené, vous avez tenté de rencontrer les rares personnes que Maud Julien a côtoyées dans son enfance. J'ai parlé avec son premier mari. Richard. Mais Richard, c'est pareil, il ne s'était pas rendu compte précisément de jusqu'où allait cette espèce de folie de construction mentale du père. Il le décrivait comme un personnage extrêmement imposant, très très, qui avait un pouvoir énorme sur les gens, qui faisait une impression effroyable sur les gens. Il faisait peur aux gens, physiquement. Exactement ce que disait Maud, mais il n'avait pas compris jusqu'à quel point cet homme était un maître de l'emprise. Et Maud Julien, à ce moment-là, quand elle a rencontré Richard, ne racontait pas son histoire. Précisément, je crois qu'elle lui avait jamais vraiment raconté. Donc il a découvert l'histoire au moment du livre. Oui. Oui. La sortie du livre. Absolument, absolument. Et ça lui a fait un choc, je crois, parce que en fait tout y était. Il avait tous les éléments, mais il n'avait pas la clé pour comprendre. Quand les premières fois où je suis sortie, grâce à Monsieur Molin, c'était très compliqué. Quand vous n'avez, il y a plein de choses dont on ne pense pas, mais quand vous n'avez jamais marché dans une rue en croisant des gens, c'est très difficile finalement. Plusieurs fois, je me suis emmêlée dans les pieds de d'autres personnes et j'étais obligée de dessiner dans ma tête une partition de musique dont je suivais le rythme pour pouvoir marcher à un certain rythme sans être emmenée. Pareil, je n'avais pas l'habitude de manger, de discuter en même temps. Donc, il a fallu apprendre ce genre de choses. J'ai été obligée d'apprendre des choses de la vie sociale, parler à quelqu'un, parce que c'était toujours d'énormes efforts. J'ai eu des périodes de mutisme. Mais tout ça valait tellement mieux que de rester enfermée. Mais j'ai eu énormément, énormément de choses à apprendre. Et par la suite, un peu plus tard, en fait, à la mort de mon père, parce que jusqu'à l'âge de 21 ans, j'étais terrorisée un jour que même malgré moi, parce que même mon père me disait « je suis l'hypnotiseur le plus puissant du monde », j'avais toujours des cauchemars qu'il risquait de me renvoyer dans la maison, même si je pense que dans la réalité, Richard ne m'aurait pas laissé être enfermé. Enfin, mais on n'est pas logique. Puis il y a plein de choses que vous n'expliquez pas. Vous avez tellement honte, parce que vous pensez là aussi que c'est vous la coupable. Et donc, le jour de mes 22 ans, j'ai poussé un soulagement, vous n'imaginez pas. Sauf que mon père est mort 3 semaines après. Et donc, dans mon esprit à l'époque, je l'avais tué. J'avais fait rater toute l'œuvre de sa vie. Et comme il est mort juste après que je n'ai plus l'âge de recevoir, c'est donc bien moi qui l'avais tué. Et suite à ça, j'ai commencé à développer les attaques de panique. Suite à sa mort. Dans les mois qui ont suivi. Alors je pense que ce carcan est en partie, sans oublier que les gens m'ont demandé si, enfin bien plus tard m'ont demandé si j'étais soulagée à la mort de mon père. Mon père, encore une fois, le royaume des morts est plus puissant que le royaume des vivants. Et comme mon père me disait, comme j'ai 2 grandes cicatrices, une à gauche, une à droite, qu'il se réincarnerait à travers mes cicatrices, j'ai été jusqu'à dormir pendant très longtemps avec des bandages sur mes cicatrices de terreur. Donc tout ça, je veux dire, je dirais que tout mon psychisme s'est fracturé. Je suis un exemple vivant de toutes les pathologies qui vont depuis les TOC, troubles obsessionnels du comportement, attaques de panique, phobie, cauchemars. Hélas, il m'a fallu plus de 10 ans pour apprendre à apprivoiser tout cela. Pensez aussi que lorsque je suis sortie de cette maison, bien sûr, mon père me faisait lire entre Nietzsche, Sade, mais j'étais profondément bête parce que le livre interdit dans cette maison, c'était le dictionnaire. Je lisais le Marquis de Sade, mais je n'avais pas le droit d'avoir accès au dictionnaire sauf sous le contrôle de ma mère. Je croyais que Charles de Gaulle s'appelait de Gaulle parce qu'il était avec Vercingétorix, président de la Gaule. Enfin, vous imaginez, c'était un. Donc j'ai passé pendant des années ma vie à faire semblant. À faire semblant pour essayer de survivre, parce que j'étais quand même malgré tout impactée par le fait de mon père qui disait « sinon les gens vont te dévorer ». Je veux dire, alors j'étais ni paranoïaque et j'adorerais les gens, mais malgré tout, si je ne correspondais pas, peut-être que cela aurait pu m'arriver. D'ailleurs, une des choses qui m'a sauvée, ça a été ma naïveté. Je veux dire, je suis arrivée, je savais pas dire oui, je savais pas dire non. Enfin, il y a plein de choses qui paraissent tellement évidentes à plein de gens que j'ai dû apprendre. Donc, vous imaginez que ça occupait tout mon espace. Votre père a mis votre santé psychologique en danger, mais aussi votre santé physique, puisqu'il vous donnait du vin blanc lorsque vous aviez de la fièvre, il soignait toutes vos blessures avec du whisky, il vous a fait boire de l'alcool dès 7 ans, et vous n'avez pas de séquelles aujourd'hui ? Alors, j'ai de nombreuses séquelles, notamment mon foie qui est irrémédiablement abîmé. J'ai un foie, entre guillemets, d'alcoolique. Alors, je ne bois pas d'alcool. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après la sortie, à croire que toutes les maladies que mon corps peut-être s'interdisait d'avoir à cause de cet endoctrinement, j'ai été avec des angines, mais de sérieuses angines, j'ai fait une méningite, j'ai eu des problèmes de dos pendant des années, donc j'ai encore. Non, le physique, j'ai eu, puisque je n'ai jamais vu de dentiste, d'énormes infections dentaires, dont je traîne encore les séquelles aujourd'hui, avec des infections d'os de la mâchoire régulières. J'ai dû faire toutes les. Je tombais tout le temps malade, comme si l'endocrinement relâché, le corps exprimait. Même si je trouve qu'aujourd'hui, j'ai tellement de chance d'avoir trouvé un équilibre, mais des choses sont restées. Par exemple, nager est tellement lié à tant de souffrances que, au grand désespoir de mon mari, même dans la plus belle des mers des Caraïbes, je ne peux prendre aucun plaisir à me détendre pour nager. Parce que mon père m'a fait... Il fallait que je puisse savoir nager parce que si je devais m'évader, donc il fallait savoir nager. Donc il avait fait creuser une espèce de piscine qui était de 20 mètres de long, 3 mètres de profondeur et tout cela se passant dans le nord de la France. Et donc j'ai appris à nager en étant jetée dans de l'eau glacée. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à nager. Et donc, tout ce qui est, même si je suis donc une excellente nageuse, tout ce qui est lié à nager ne peut pas s'associer au plaisir. C'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. Et alors, concernant les phobies, j'ai réussi à me débarrasser de pratiquement toutes mes phobies, sauf d'une, vous vous doutez laquelle, qui est celle des rats. Ce qui fait que même un film comme Ratatouille, j'avais vu la publicité du film, me fait faire des cauchemars. Et en même temps, même si j'estime que je trouve que je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de chance, parce que malgré tout le système créé par mon père pour m'empêcher de m'évader, que ce soit physiquement ou mentalement, je suis sortie. Et je peux vous promettre que même aujourd'hui, Le simple fait de pouvoir marcher sans être arrêté par une grille, sans être arrêté par un mur, même ce matin, tout à l'heure en arrivant, c'est toujours pouvoir voir un horizon, pouvoir vivre avec vos fenêtres ouvertes, sans vouloir lire le livre que vous voulez. Mais c'est tellement précieux. Et donc, mais vraiment, mais chaque jour, je suis dans une gratitude d'être sortie parce que, effectivement, il reste certaines choses, mais je pourrais vraiment être encore enfermée. Hein, et parce que tout le système était bâti pour ça. Donc, y compris malgré tout ça, et c'est pour ça que, pour moi, comme dans le livre, pour moi, c'est un manuel d'évasion parce que, aujourd'hui, et je trouve que la vie, mais elle est tellement merveilleuse que les gens sont merveilleux. Les gens, enfin, je fais pas d'une espèce de naïveté. Mais la vie est tellement extraordinaire. Tout est extraordinairement précis en réalité dans son souvenir. Il fallait juste le mettre par écrit, quoi. Et vous l'avez dit, se replonger dans son enfance a été très douloureux. Ah oui, certainement, certainement. Ça a été une période dure, très dure pour elle. Parce que depuis qu'elle a quitté la maison, elle n'a pas voulu se retourner sur le passé, ni pour analyser, ni pour savoir l'arrière-plan, le contexte, etc. Ni pour pleurer sur elle-même. Ni pour se faire plaindre. En cela, elle est comme beaucoup de victimes de très grandes catastrophes, celles qui préfèrent ne pas passer de temps sur la catastrophe passée, qui accordent trop de valeur à la vie pour la gaspiller dans du souvenir, du ressouvenir et peut-être de l'apitoiement sur soi-même. Donc elle a voulu aller de l'avant. Et toute sa vie, elle a été de l'avant et... devenir ce chirurgien de la tête là qu'elle voulait être quand elle était petite. Et comme elle avait... elle a posé le bon diagnostic. L'éducation qu'elle a reçue était vraiment très mauvaise. Très, très, très lacunaire. Il a fallu qu'elle comble des lacunes monstrueuses. Elle avait vraiment beaucoup de travail et il y a mis tous ses efforts. Donc, revenir sur le passé, c'était... peut-être bien la première fois de sa vie qu'elle le faisait de façon aussi systématique. Petite, vous ne compreniez pas la méchanceté de votre père, mais quelle est aujourd'hui votre analyse, votre diagnostic, puisque vous êtes thérapeute? Alors tout d'abord, mon père n'était pas méchant. Mon père, et encore une fois, j'insiste, pour mettre les choses à leur place. La méchanceté serait consister à trouver comment me faire du mal. Il ne cherchait pas à me faire du mal. Il cherchait à me rendre plus forte. C'est une énorme distinction. Parce que, encore une fois, il n'y avait pas de sadisme. Le sadisme, les comportements sont sadiques, mais ce n'était pas quelqu'un de sadique. C'était quelqu'un qui était fou, enfin qui était malade, et qui était donc il avait une personnalité mégalomaniaque, ça c'est absolument sûr, et on peut vraiment dire qu'il souffrait de paranoïa. Et bien entendu, comme tout prédateur, seul son monde comptait, ses besoins, ses croyances, et m'utiliser pour se réincarner à travers mes cicatrices ne posait pas un problème pour lui, puisque j'étais un moyen. Et donc, pour essayer de comprendre ça, j'ai eu besoin de comprendre, j'ai recherché dans l'enfance de mon père, à partir de certaines choses qu'il m'avait racontées, mais y compris d'autres choses. Et d'ailleurs, j'ai trouvé beaucoup de points communs avec les gourous, des points communs d'un père excessivement violent, une mère adorée, fortement maltraitée par le père, un deuil aussi dans son enfance. Il avait deux sœurs, une qu'il détestait et qui le terrorisait, je pense, et une autre sœur qu'il aimait beaucoup. Et quand mon père avait 10 ans, elle est morte d'une leucémie. Et donc, je pense que suite à ça, et peut-être suite à ce deuil, mon père a ensuite fait des rencontres pseudo-occultisme qui ont nourri tous imaginaires qui ne demandaient qu'à être nourris de façon paranoïaque, mais aussi de rencontres avec d'autres personnes qui l'ont mis comme étant à l'intérieur d'un cercle occulte où il aurait du pouvoir. Mon père se vantait de se faire tourner les tables, et donc il s'est nourri de tout cela pour forger ce qui a été plus tard sa conception du monde. Mais mon père est un homme qui vivait dans la peur. La peur lui a fait construire cette paranoïa. Et pour préciser aussi ce que vous dites, votre père avait donc bien le rôle d'un gourou. Donc même s'il n'avait pas une foule de disciples, il existe donc bien des sectes familiales. Mon père est l'image parfaite du gourou. Et il existe une secte, ça commence à deux. Donc, et moi, je vois effectivement tous les jours dans mon cabinet des sectes familiales où il y a 2, 3, 4 personnes, 5 personnes. Et c'est important aussi de le préciser, le gourou n'est pas toujours un homme, peut être aussi une femme. Et vous regrettez qu'il n'ait pas été puni pour ses actes ? Franchement, oui. Si, et c'est quelque chose où je rejoins le combat d'autres personnes fantastiques, c'est qu'il faut aussi encourager les victimes à porter plainte. Et pour pouvoir cela, il faut qu'elles puissent être entendues. Hein, donc il y a un énorme travail à faire parce que, oui, dans mon cas, c'est resté un autre sur 3 personnes, ce qui est déjà de trop. Mais oui, parce que ces prédateurs doivent être punis. Parce que sinon, il y a confusion entre, comme pour les dictateurs, entre une forme de puissance et de pouvoir. Et pour que les bons humains, les belles personnes puissent circuler dans ce monde, il faut montrer où est la faute. Et la faute n'est pas sur les victimes. Donc oui, je regrette fort. Enfin, je regrette tout en sachant, je ne m'en veux pas dans le sens où je comprends que je n'arrivais pas à le faire. Et puis aussi, on se demande, est-ce qu'ils vont me croire ? Ce qui n'est pas gagné, c'est pas évident que je veux dire, regardez, on le voit aujourd'hui, même si on le voit dans le cas de l'affaire Weinstein par exemple, même des femmes puissantes ont un mal fou à oser témoigner sur des abus dont elles ont été témoins, parce que c'est très très difficile, et donc c'est important de soutenir les personnes pour qu'elles aillent témoigner, et les témoignages sont importants aussi parce que c'est grâce au regroupement de témoignages que on peut repérer un prédateur. Devenir thérapeute et soigner aujourd'hui ceux qui souffrent de l'emprise, c'est votre façon à vous de vous réparer ? Alors, c'est parce que j'étais, je pense, réparée, dans la mesure où on peut être réparé, que j'ai pu être thérapeute. Je pense qu'il faut le mettre dans le bon ordre. En revanche, on me pose souvent la question, par exemple, mais ça va répondre à votre question, si j'ai pardonné, moi je réponds toujours que le pardon, ça se délivre pas comme des petits pains, et que le pardon sans réparation, ce serait de l'amnistie et donc de l'amnésie. Donc, en revanche, ce qui est certain, c'est que je ne suis ni amère, ni dans le ressentiment, mais que ma revanche, si je pouvais parler de revanche, c'est aujourd'hui d'être une femme, d'être une mère, parce que c'est tellement merveilleux d'être une mère. J'ai des filles tellement merveilleuses, j'ai beaucoup de chance. Et d'être un thérapeute et d'aider les gens à sortir de la cave. Donc, c'est ma revanche et mon combat. Mais grâce au fait d'avoir pu être réparée. De la même façon, les personnes m'ont demandé si écrire le livre m'avait aidée. Non, c'est parce que j'allais bien que je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé un équilibre personnel, professionnel et affectif que le livre a pu être écrit. Il a d'ailleurs été écrit 38 ans après. Oui, parce que je pense qu'avant, je n'en étais pas capable. Je ne voulais pas que ce soit un livre de souffrance. Pour moi, c'est un manuel d'évasion. Comment une petite fille dès l'âge de 8 ans a été capable de trouver les chemins qui l'ont amené plus tard à trouver une libération. Et ce livre est destiné aux personnes qui soit sont en train de souffrir quelque chose, soit l'ont vécu, pour qu'elles ne perdent pas l'espoir. C'est ça, ce livre. Comment votre mère a perçu l'écriture de cet ouvrage où vous racontez toute votre histoire ? Alors tout d'abord, effectivement, le livre lui est dédicacé parce que pour moi, c'est quand même la première victime. C'était une chose importante. Mais ma mère l'a vécu comme une trahison face à mon père. Ursula Gauthier, comment a réagi la mère de Maud Julien à la parution de l'ouvrage ? Quand l'ouvrage a paru, elle m'a envoyé un mail très blessée parce qu'elle ne s'imaginait pas être dépeinte sous les traits qu'on voit d'elle dans ce livre. Elle disait qu'elle ne s'y reconnaissait pas, mais en même temps, elle n'a pas fait l'ombre d'une contestation publique. Moi, je pense que ça parle de soi. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec votre mère ? Nos rapports sont très, très, très lointains. Nous n'avons jamais pu créer un lien. Mon père a empêché que, de toute façon, ce lien soit créé. Ma mère n'avait pas le droit de me toucher. Les câlins, comme je disais tout à l'heure, étaient interdits. Donc, ce qui serait normalement un lien mère-enfant normal n'a pas non plus pu se créer. Imaginez aussi que le temps de toute sa grossesse, ma mère a dû trembler en espérant avoir une fille. Elle me racontait qu'elle prenait une ficelle et qu'elle faisait des nœuds en disant « j'ai une fille » pour faire une méthode d'autosuggestion. Donc, le lien normal mère-enfant n'avait pas sa place. Donc, un lien jamais créé ne peut pas prendre sa place un jour, au contraire. Il faut voir quand même Maud, dans le contexte dans lequel elle était plongée, elle aurait pu devenir folle, mais complètement folle. Elle aurait pu devenir alcoolique, déjà que son père l'y poussait énormément, donc elle aurait pu devenir alcoolique ou droguée ou délinquante, enfin, ficher sa vie en l'air. Elle aurait pu devenir une gouroute, croire à ce que son père racontait et se penser l'héritière de je ne sais quoi. Au lieu de ça, elle est thérapeute. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tiré le meilleur du pire. Je ne sais pas, moi je pense que c'est une héroïne. Je pense que c'est pas si courant. Je finirai aussi sur cette phrase qui vous a beaucoup marqué de ce personnage. Je crois que c'est Edmond Nantes qui disait « Ceux qui ont souffert peuvent aider ceux qui souffrent ». Oui. C'est ce que je pense. Et ainsi donner du sens à cette souffrance, encore une fois, pas dans le but de se réparer, parce que si on fait ça pour se réparer, je pense qu'on est dangereux en tant que thérapeute. Mais parce que c'est un peu comme si on était passé de l'autre côté d'un ravin terrible et autre, et à ce moment-là, on peut regarder l'autre en face, le regarder droit dans les yeux et lui dire, viens, un, ça vaut la peine. Deux, c'est compliqué, mais ça vaut vraiment la peine, parce que de l'autre côté, ça vaut vraiment la peine. Il y a un horizon, il y a un ciel bleu, et il y a des gens extraordinaires. Ne pas croire les prédateurs, les êtres humains sont des êtres merveilleux. C'était L'Emprise au-delà des grilles avec Maud Julien et Ursula Gauthier, co-auteurs de l'ouvrage Derrière la grille, paru en 2014. Coordination Christine Bernard, un documentaire de Lénora Krief et François Test. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Kronlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres récits et d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Il faudra vous équiper en bottes, cirés et gants. Mais c'est une autre histoire.